Exercice 11, page 169. A. On ne l'oublie pas. Transformer. On ne l'oublie plus. B. On ne l'oblige pas. Transformer. On ne l'oblige plus. C. On ne l'écrit pas. Transformer. On ne l'écrit plus. D. On ne le croit pas. Transformer. On ne le croit plus. E. On ne l'emploie pas. Transformer. On ne l'emploie plus. F. On ne l'explique pas. Transformer. On ne l'explique plus.